telle une flamme éteinte, ravivée par le vent. D'où te vient ce besoin de m'entendre à présent? Devines-tu ô combien j'apprécie cet instant? S'il n'est pas trop tard, je voudrais que tu saches que seul nous sépare le temps qui nous casse. Et s'il n'est pas trop tard, je saurai. Se fait tant que tu n'oublies pas ton amitié.